la petite Camille, aux yeux si bleus, couleur de ciel, elle est à moi. Je l'ai dans quand je souris qui soudain elle s'enfuit. Je sais bien que lendemain il viendra quand il s'ennuie. La petite Camille aux cheveux blonds, couleur de place qui pleure là-bas. La petite moi.